Les voyages, etc., bientôt réservés aux vaccinés. Une coalition de grandes entreprises technologiques dont Microsoft, Salesforce et Oracle est en train de mettre au point une nouvelle méthode de surveillance. Le passeport sanitaire est un certificat de santé numérique où figurent les tests PCR qui ont été effectués, les déterminations d'anticorps et le statut vaccinal. Le projet, financé par Rockefeller, est considéré comme l'effort d'immunisation le plus important de l'histoire des États-Unis. Bientôt, le carnet de vaccination devrait devenir nécessaire pour reprendre en toute sécurité les voyages, le travail, l'école et la vie, tout en protégeant les données en même temps. Déclare Paul Meyer, directeur général de l'organisation à but non lucratif, The Commons Project, qui est également impliqué. Mais ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il faut justement divulguer ces données aux compagnies aériennes, aux employeurs, aux agences gouvernementales, etc. Sans vaccination, fini la participation à la vie sociale? En tout cas, Meyer annonce. Les personnes individuelles devront fournir une preuve de vaccination pour de nombreux aspects afin de pouvoir mener à nouveau une vie normale.